J'ai rien à perdre dans le sang. Me battre quitte à faire couler mon sang. J'ai rien à perdre, moi. J'ai rien à perdre. C'est qu'une attaque de plus de B1 l'artiste. Débuté sur instru, voilà la début de ma vie. Ivre, 3 fois sur 4 en stud. Community sont la plupart des scuds lancés. Je m'excuse, lassé, lessivé. Sarko, un lapin, héros, faisons un civet. C'est si vrai quand je vois le stebré. Mais que veux-tu que je fasse de stebrel? De 9, 200, 100%. Ton sang pour un affront et tes dents pour un coup de front. J'ai trop fraudé ma Ivre, effondré le Delbor. Mon armoire, je dois des vies. De vie ne vont s'arrêter mes rimes. Nulle part, jamais, suriner ma haine en rêvant d'une vie de famille. C'est trop sylphate de déprimer pour rien. Inutile de se vénère, sérieux, quand c'est nif. Pas de sniffette pour être bien dans sa tête. Une clarté de mes rancœurs par manque de thunes. C'est qu'une peur de perdre ce que l'on a. À force, on finira par corser nos actions comme Colonna. C'est que la première colonne de mon panthéon. Ben j'ai t'es loin à venir, ah ouais mais putain qu'est-ce que c'est bon. Ça fait 10 piges que j'écris, griller tous mes jokers aigris. J'suis prêt à choquer. J'ai rien à perdre dans le son. Me battre quitte à faire couler mon sang. Vendez qu'il pourrait couler mes disques. Tout pillé en studio, sur scène. Observe, on m'observe, je sais. Je fracasse sur instru et je les signe. J'ai rien à perdre dans le son. J'ai rien à perdre dans le son. C'est pour ma rue, mon quartier. Belle vue, peine perdue. Obligé de me moquer des PD de plus belle la vie. On t'a prévenu, y'a que nous qui dirions des sons sur notre avenue. Avenant au premier abord, hardcore au second. J'ébrole vos subconscients comme un coup de tibia au Muay Thai. Et moi je taille, tour de Brest, avec un goût amer. Rien que je laisse derrière moi, mon père, ma sœur et ma mère. Et mes frères, j'suis tous les gardés au chaud dans mon cœur. Rien que cela aurait dû l'écart de mon malheur. Et je crèverai un jour de toutes mes rancœurs. Et je repars toujours plus écœuré. De ne pas être à l'aise quand je suis clair. Quand la maladie me fait cracher mes glaires, quand mes envies me font m'éclairer comme un éclair. Y'a PR qui est là, la casse va hélas. De galérer, de sortir les experts hélas. Et puis le boss est loin. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre dans le son. Me battre quitte à faire couler mon sang. Vendre des kills pour écouler mes disques. Tout pillé en studio, sur scène. Obscène, on m'observe, je sais. Je fracasse sur instru et je les signe. Et je les signe. J'ai rien à perdre, moi. J'ai rien à perdre. Je vois cette fille qui pleure. Cela effleure mon moral. Mais pour elle, je peux rien faire. Je dois freiner mes envies d'aider les gens. Dédié à mes grands-pères, Pierre et Jean. J'en ai trop conscience de ce que je décris. Mine grise, 2h du mat et mon de la déprime. Je suis pas fait pour rapper. Je me fie aux miens qui me disent hey Jay, ça le fait. C'est ça le fruit du travail. Big up à tous mes gars partis après un drive-by. C'est die B1. Dédicace, c'est délicat à ceux qui m'ont fait du mal. Je crois que c'est mieux que je croise plus leur route. D'un côté je redoute, à leur effort je redouble. Ma détresse ne rime à rien. La distance à celle que j'aime empêche de rire. Rien à perdre dans le son. Me battre quitte à faire couler mon sang. Rien à perdre dans le son. Rien à perdre dans le son. J'ai rien à perdre dans le son.